Le comité central du Parti du Travail de Corée a publié le 25 janvier un communiqué sur la convocation de la conférence des pionniers de Malima. Il indique notamment « Le Parti du Travail de Corée a appelé tout le peuple coréen à suivre l'esprit de Gangwon-do, esprit exemplaire de l'époque, dans la lutte historique pour accélérer la progression victorieuse du socialisme au moyen du grand moteur de la capacité de se renforcer soi-même. » Quant à l'esprit de Gangwon-do, c'est un nouvel esprit de l'époque représentant la volonté indomptable et l'héroïsme des révolutionnaires coréens qui anticipent l'avenir radieux par leur propre force avec la confiance et l'optimisme en la victoire certaine, même dans toutes les adversités, pour réaliser à tout prix le désir patriotique du général Kim Jong-il de l'édification d'une puissance. Le comité central du Parti du Travail de Corée a décidé de convoquer à Pyongyang à la fin de cette année la conférence des pionniers de Malima en vue d'attiser davantage l'ardeur patriotique extraordinaire et le moral élevé du peuple coréen qui crée des hauts faits mystérieux par la capacité de se renforcer soi-même dans tous les secteurs de l'édification d'une puissance socialiste avec l'esprit de Gangwon-do. Ceux qui ont créé des succès distingués et méritent à la tête de l'offensive générale pour atteindre l'objectif ambitieux de l'édification d'une puissance technoscientifique et économique, puissance hautement civilisée, et centuplée mille fois la capacité de la puissance politico-militaire, échangeront à cette conférence leur expérience de valeur obtenue au cours de la création de la vitesse de Malima et discuteront des questions pratiques afin d'opérer de nouveaux essors.